dit sur le renté. Enfant de sicario, je laisserai mon âme vers Béjaïa et ma cervelle en plein Rio. Le barillé, le barillo. Maman est barillée, faut laisser vite un héritage des gosses, donc se marier. Au D1, tout va très bien, passe les jours et les semaines. Le parquet est contre moi, mais la juge est très humaine. Réhabilité, en toute humilité. Ces connards du rap n'auront jamais ma crédibilité. Contre d'identité, on vérifie au poste. Ça sert à rien si je m'aide, me connaissent mieux que leur cause. Dans ma ville, y'a des bosseurs. On a tous un but dangereux si tu savais les grosses affaires qu'on nous impute. J'ai pas mangé le gâteau, j'ai coffré chaque tranche. Structuré avec de bons tarots dans chaque branche. Je les vois faire les marioles, mais est-ce qu'ils ont braqué? Ont-ils tenu le choc quand y'avait tout pour craquer? Non, non, cette vie c'est la nôtre, j'étais mineur. J'ai marché calibré dans le tiercar quand nos ennemis venaient nous voir. J'ai fait cette piche de tôle, j'ai vu le daron mille fois en parloir. Et qu'il soit fier de moi, j'ai brisé tout espoir. Pardon mon Dieu, je fais du sale, y'a des loups sur le terrain, je dois gérer mes affaires. Ils ont plus peur du feu dans les tuyaux que du feu de l'enfer. Combien me devais, je partirai pas le premier. Je dois faire du sale et prendre des bonnes idées. Dans les sangs, j'ai jamais crié à l'aide. Réparer le cœur de mes parents, c'est comme refaire Alep. J'ai eu l'appui des bons. Bâtard, je me suis fait seul contre moi, j'ai les vampires, le sroll et le mauvais oeil, et j'ai beau tout ouvert, mais ils sont toujours là. Mais le père Abrelux, c'est les plus forts à jeu là. Il va tous dire hakar, je vais bosser tranquille. Cette semaine, on va toucher le platine et sans kill. La sorte d'argent inégalable, les sirènes a changé. 21h, le bruit des vagues, je fume, un joint sans danger. Ma vie, c'est une princesse, le petit, c'est moi en mieux. J'achète dans le 10ème où je suis cramé, je suis de la banlieue. La porte d'enculé, Bellec, vas-y, dealer. Nouveau riche, robeux, avec la tête d'un dealer. Ils seront jamais pareils. Nous sommes en mission, pour eux le taux de souffrance ne vaut pas leurs ambitions. Pardon mon Dieu, je fais du sale, y'a des loups sur le terrain, je dois gérer mes affaires. Ils ont plus peur du feu dans les tuyaux que du feu de l'enfer. Combien va me faire, je partirai pas le premier. Je dois faire du sale et prendre des valises de billets. 9-4, je vieillis la rue, 13h, appel parlu, main dans les poches. Je fais ma peine, j'ai toutes les peines pour ma famille proche. Elle m'a dit je t'aime et je t'aide dans la peau. Elle s'est ouvert le ventre et j'ai vu que c'était vrai. J'ai vu des millions et le confort du lambeau. Jamais vu des boyaux et l'amour d'aussi près. Ils ont pas nos vies, ils ont pas nos vices. Chez nous pas de novices, la bague de ma ville n'aura pas mon fils. Il faut